boa tué. Toubou, toubou, toubou. Maman. So basusu bazonga sima, bay bazonga sima basusu na bisengo. Umye sote, il faut reculer mama, mama. Batia kilokolo liboso basusu bazonga sima, bay bazonga sima basusu na bisengo. Umye sote, il faut reculer mama. Nanga mon père on a les billes. Ouh, on a mis ta lisote. Tika la sala que va nanuka na bolonga na nanda. Tika la sala que va nanuka et si kanga na yata. Lokinga na yenga. Na la fina nga y pamba, chéri nanga ya boyanga. Et comme la nga banyomo. Ouh, on a mis ta lisote. Oh la vie. C'est un combat, mon cher ami, Sila. Il faut chercher par-ci, par-là, pour trouver vos solos. Oh, oh. Ouh, on a mis ta lisoto, eh. Soto nanga, mon père, on a les billes. Ouh, on a mis ta lisoto, eh. Tika na sara ke banalu karokoro ngana nanga. Banaluka esika na nyaka, lokinga na yenga, na bila ngai pamba, shiri na ngaya boyanga, ekome na ngama kanisi, una mitali zato kaka na nzela te po bazanga balokota fiango mambo mingi kolata kaka na mbongo kolia se na mbongo fiango mambo mingi fiango bioyo ae ae chérie ae balakati ya mambo bakoma kolukaluka partout partout po baswa fiango bioyo ekokana na maswa unana tomonano suka se kotura. Kozali na mbongo mbabwakaka na nzela te po bazanga balokota fiango mambo mingi kolata kaka na mbongo kolia se na mbongo fiango mambo mingi fiango bioyo. Chéri Coco, Oh, Dans la sagesse sera sauvé, c'est lui qui est intelligent saura gagner, maman. Marche dans la sagesse sera sauvé, c'est lui qui est intelligent saura gagner. Donna. Cher ami mon père, mon kilo m'a comme trop mon frère. vraiment mon cher, ma cambo trop révélé, compliqué tout ça là, bolingo compliqué. Bato bazali ko bossa na te, il n'y a pas de sommité, il n'y a que des sortes de gens. Ah, bolulé. Oyo prison ya souci ngala mekate ebele yango ya makambo na kuma mokili elenge yango likambo oyo prison ya souci ngala mekate ebele yango ya makambo na kuma mokili elenge tolobaka jour nyonso mokili mabe biso bato ya mokili tokomisa monde nzala ndeke aliaka ntango nyonso akonaka elanga te. Biso bato ya mokili bololeo, celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, celui qui est intelligent sera gagné. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, celui qui est intelligent sera gagné. Y'a des gosses. Yeah, yeah, yeah.